Le vif de l'histoire, c'est une vieille querelle tranchée par les historiens, mais que le toujours pas candidat à la présidentielle Éric Zemmour essaie de raviver plus de trois quarts de siècle plus tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation, De Gaulle aurait été le glaive, Pétain le bouclier. En sacrifiant les juifs venus de l'étranger, il aurait sauvé 95% des juifs de France. Il faut donc encore répondre à cela. Le thème de votre émission Intelligence Service, demain à 18h, Jean Lebrun, sera donc De Gaulle et Pétain. Plusieurs dossiers mal connus en disent long. Ainsi, celui de la rafle des notables juifs français de décembre 41. D'abord le paysage, l'antisémitisme du régime de Vichy. L'organisme si à Vichy, disait De Gaulle, qui lui refusait toute légitimité, distinguait juifs venus de l'étranger et juifs de France. Des premiers, il convenait de se débarrasser, et d'abord par l'internement, première loi sur ce sujet, octobre 40. À la même date, les juifs de France, eux, sont statufiés. Enfin, entendez par là qu'un premier statut leur est appliqué qui leur interdit l'exercice de quantité de fonctions et de professions, à commencer par celles liées à l'armée et à l'école. Pour le maréchal, l'école prépare à l'armée, donc ni enseignant ni officier juif. Même si le vainqueur de Verdun assure vouloir protéger ces bons vieux juifs de France qui avaient combattu à ses côtés. C'est lui qui porte le glaive chez les juifs, mais il faut toujours qu'il passe pour le bouclier. Et pourtant, les premiers convois juifs pour Auschwitz, le 1 et le 2, embarqueront de nombreux juifs de France, des notables qui plus est. Alors en histoire, il est bon de mondialiser ce qu'Éric Zemmour a du mal à faire. En 41, l'assaut de l'Allemagne contre l'URSS. À la fin de 41, l'engagement des États-Unis font monter la guerre aux extrêmes. Et en France, les attentats se multiplient. Éric Zemmour demande, mais des communistes qui tirent sur des officiers dans la rue, c'est ça la résistance? Le général de Gaulle avait fourni la réponse dès octobre 41, si les Allemands ne voulaient pas être tués, ils n'avaient qu'à rester chez eux. En tout cas, les 10 Allemands prennent en représailles des mesures drastiques et le temps des rafles commence. La première concerne des juifs étrangers, convoqués par un billet vert à la préfecture de police pour un prétendu examen de leur situation. 3700 personnes sont capturées. Mais le 12 décembre 41, ce sont 743 juifs français, cette fois, qui sont arrêtés d'un coup. Généralement des bourgeois, qui ont souvent occupé de hautes fonctions, et ceux qui ne le sont pas ont été pris dans les filets pour faire nombre. Ils sont bientôt regroupés à Royallieu, un ancien casernement de Compiègne, dont les zones A et B étaient déjà occupées par des communistes, des étrangers et autres indésirables. La zone C, où on les entasse, n'est aucunement aménagée. L'air de décembre passe par les fenêtres cassées et les toits troués. Les notables, on va les appeler ainsi par commodité, se retrouvent comme abasourdis. Il y a là Jean-Jacques Bernard, le fils de Tristan Bernard, René Blum, le frère de Léon Blum. Il cherche à actionner au dehors des ressorts sociaux qui pourraient leur permettre une libération. Maurice Gouquette, le mari de Colette, réussit à en bénéficier. Puis l'hiver se fait interminable. Les raflés réclament à leur famille des vêtements, des couvertures, de la nourriture. Ce qui est singulier dans leur courrier, c'est qu'ils demandent aussi leur décoration. Croix de guerre, Légion d'honneur. Le régime de Vichy voulait remplacer le gouvernement par le nombre, le gouvernement élu, par le gouvernement des meilleurs, des chefs. Bah, il aurait pu trouver dans le comportement de certains des internés de Compiègne des exemples extraordinaires. Ainsi, Pierre Masse, avocat, parlementaire, il avait envoyé dès le statut d'octobre 40 des lettres insolentes au maréchal. Et ciblé par les services de Vichy, il avait bénéficié d'une arrestation individuelle. À Royallieu, il a donné moult conférences, se souciant même d'ériger un petit tribunal pour juger les délits que les prisonniers pouvaient commettre entre eux. Masse croyait au droit français. D'ailleurs, le garde des Sceaux, en réponse à Éric Zemmour, vient de donner son nom à l'une des salles de la chancellerie Place Vendôme. En mars 1942, les convois 1 et 2 pour Auschwitz viennent marquer un arrêt à Compiègne pour embarquer les notables raflés de décembre 41. Ils partiront avant même les juifs étrangers, arrêtés avant eux, qui composeront seulement les convois 4, 5, 6. En la circonstance, entendre encore dire que Pétain a sauvé les juifs de France est quand même assez surprenant. Le statut des juifs numéro 1, 1940, le statut des juifs numéro 2, 41, qui aggrave le premier, ont induit des recensements et fourni ainsi le vivier des déportables. L'historienne Annette Becker, qui prépare un livre sur la rafle des notables, a retrouvé le rapport du commissaire de police de Compiègne qui a dû présider à la déportation au printemps 1942. Il a vu un homme s'approcher et demander, cherchant un ultime recours, les noms des magistrats de la ville. C'était le président Lemley. Moins de 3 ans auparavant, il était devenu célèbre pour avoir présidé le procès d'un fameux assassin en série, à la gueule d'ange, Weidmann. Maintenant, il était embarqué de force dans un train de la SNCF, enchaîné. Les gendarmes français avaient cru nécessaire d'enchaîner tous ces hommes comme des criminels de droit commun. Et qu'a dit Lemley pour conclure ? On est français quand même. Intelligence Service ce samedi, De Gaulle et Pétain, 1940-1942, ce sera à 18h. France Inter.